page arrachée à Goliarda Sapienza. Texte choisi et présenté par Frédéric Martin. Cinquième épisode. Le désir. Comment terminer ce cycle des pages arrachées à Goliarda Sapienza sans revenir sur son œuvre majeure, l'art de la joie, et sur la thématique qui la traverse de part en part, celle du désir. Il y a dans l'art de la joie un personnage dont nous avons pour l'instant à peine parlé et qui pourtant est capital, Carmine, le régisseur du domaine. Véritable amante de Lady Chatterley sicilien, cet homme est celui qui va initier Modesta non seulement au plaisir de la chair, mais au désir de la liberté. Et donc voici le premier extrait qui est celui de leur rencontre. Quand je sortis, la lumière m'aveugla comme tant d'années auparavant, mais des hommes approchaient et je ne devais pas penser au passé. Je devais seulement courir comme Carmela me l'avait dit. À remonter, le jaune infini du blé était moins effrayant. Et sans regarder, la tête baissée, je volais vers la tache sombre du bois, au-delà duquel un haut mur protégeait de la misère, que jusque-là du moins j'étais parvenu à fuir, mais qui attendait, immuable, avec la bouche grande ouverte et la main tendue d'un enfant. Plus jamais je ne sortirai de ce mur. Elle a de bonnes jambes, ma petite patronne. Dieu sait que je ne l'aurais jamais imaginée. De loin, n'était la couleur des cheveux, je l'aurais prise pour une fille des champs ou un lièvre. Si vous me permettez, je peux vous accompagner avec Orlando. À descendre, tous les saints vous aident, mais une montée est une montée. Orlando, brigand, je te présente ma petite patronne. C'est lui qui vous a vu bouger dans le blé et qui m'a fait dévier. Alors si vous voulez, je vous accompagne. Pas à l'intérieur des murs, ne vous inquiétez pas. Carmine est un homme discret et si on ne le contrarie pas, il ne voit rien ni n'entend rien. Je vous laisserai là d'où vous êtes sorti. Je vous suis à pied. Mais je... Vous voulez dire que vous ne savez pas monter sans selle ? Je ne sais pas monter à cheval. Alors il est nécessaire, même si ça ne vous plaît pas, que vous montiez devant moi. Voilà. Mettez un pied ici. Et maintenant, vous prenez un élan. Très bien. Vous êtes agile. Je vous prie de m'excuser, mais je dois me tenir derrière vous. Cette voix m'inspirait une terreur profonde. Quand je le sentis derrière moi courbé, les rênes à la main, ce fut comme si une chaîne m'avait entouré de partout. Il m'avait prise au piège. Voilà pourquoi il souriait. Et pourquoi est-ce que vous tremblez comme ça, Padroncina ? Peut-être que vous avez peur du cheval ? Ça arrive à tout le monde la première fois, mais vous devez vous habituer parce que demain, quand vous serez princesse, vous devrez, non seulement sur le papier, mais aussi en personne, visiter vos propriétés. Oui. Il me fait un peu peur. Comment s'appelle-t-il ? Orlando, Patroncina. J'espère que seul l'animal vous fait peur. Et pas le maître de l'animal. Sa voix et le vent me faisaient osciller à droite et à gauche. Vu d'en haut, cette immensité d'or dansante commença à me faire tourner la tête, si bien que sans le vouloir, je m'agrippais à ses bras. Eh non, Padroncina. Les bras, il faut me les laisser libres. Orlando est très jaloux. Et si vous vous faites trop sentir, il est capable de changer complètement d'humeur et de nous faire casser les os du cou. Vous sentez comment je fais, moi ? Les cuisses et les genoux attachés et légers contre les flancs. Et voilà ! Bravo ! Comme ça. Je parie qu'en un mois, vous vous tiendrez droite aussi bien et mieux que la principessina Béatrice. Je vous apprends quand vous voulez. Les flancs du cheval fumaient. Les bras et le thorax de cet homme, eux, dégageaient une chaleur sèche, comme lorsqu'on se trouve devant une cheminée. Je n'ouvrais plus les yeux de peur que cet étrange étourdissement ne me reprenne. Je devais dire quelque chose, mais j'avais la bouche pâteuse. Si du moins il avait continué à parler. Mais il se taisait maintenant. Dans le silence, chaque fois qu'il tirait légèrement sur les rênes, mes vertiges augmentaient et je sentais avec honte la sueur qui de mon dos se communiquait à sa chemise. Bientôt, je ne distinguais plus le tissu de mon vêtement du sien. Je ne parlais plus jusqu'à ce que je sente le cheval s'arrêter. Et lui, allons, descendre en me tenant un bras. Si je peux me permettre, vous ne devriez pas avoir aussi peur de cet animal. Vous m'avez tout trempé avec votre sueur. C'est une brave bête, ce cheval, si on sait le prendre comme il faut. Voilà, descendez. La taille entre ses mains, avant que j'aie pu ouvrir les yeux, il m'avait déjà fait faire un vol plané qui acheva de me remplir de confusion. Et avec honte, je m'entendis dire... Excusez-moi pour toute cette sueur. Vous n'avez pas à vous excuser pour votre sueur. C'est du parfum. Dieu sait que même si ma mère me l'avait dit, je n'y aurais pas cru que la sueur puisse embaumer la fleur d'oranger. Je vous baise les mains, padroncina. En riant, il monta à cheval sans plus me regarder. Mes jambes tremblaient tellement que j'eus du mal à le regarder s'éloigner avant de me jeter assise par terre. Même assise, je tremblais. Et au fur et à mesure que cette chaleur moite de la chevauchée disparaissait, un froid terrible se mit à me descendre le long du corps tout entier. Et pourtant le soleil était encore haut. La voilà, là, cette tête blanche qui file. Sale vieux de malheur, il riait quand il était en dehors de la villa. Il était le maître, là. Le froid ne voulait pas m'abandonner. Et avec le froid, la haine pour ses bras puissants, pour ce rire plein d'assurance. Très rapidement après leur première rencontre, les relations entre ces deux êtres exceptionnels vont s'accélérer. Et si ce n'est à une leçon de piano, c'est du moins à une très belle leçon d'équitation à laquelle on va assister. Qu'est-ce que c'est que ça, Padroncina? Vous me dites que Rosario vous a fait tomber? Eh, bravo, Rosario! Vous ne voulez pas apprendre avec lui? Et comment fait-on maintenant, Padroncina? C'est à moi de le faire? Il ouvrit la porte pour faire sortir Rosario, et quand il l'eut refermé, il s'appuya du dos contre le bois en me regardant fixement. Il ne souriait plus. Alors? C'est vraiment moi qui dois le faire. Je ne parvenais pas à ouvrir la bouche de colère pour cette phrase. Mais réponds, pourquoi trembles-tu comme ça? Nous ne sommes pas à cheval. Réponds. Ce tu jeté à ma figure juste là devant moi me fit lever les bras et je le frappai au thorax de mes poings fermés. Je voulais le blesser au visage, mais il était trop grand. Tu es belle et forte et tu me veux. Tu le sais que tu me veux? J'allais le frapper à nouveau, mais la vérité de ces mots me foudroya. C'était vrai. Comment pouvais-je le savoir s'il ne me le disait pas? Et moi qui croyais que le tremblement qui me prenait en sa présence était tout simplement de la haine. Il me fallait fuir. Et pourquoi? Jamais je n'avais éprouvé cette fureur qui se déchaînait dans mon sang sous forme de haine. C'était un plaisir effrayant que je n'avais jamais éprouvé, et pour l'éprouver à nouveau... Je recommençais à frapper. Il me laissa faire. Mes bras et mes poings me faisaient mal à force de cogner sur cette poitrine de marbre, au point que je m'effondrais dans ses bras immobiles. Ce fut le signe, comme s'il n'avait attendu que cela. Voici que ses mains me serrent à la taille et me soulèvent, me faisant voler comme un objet léger. C'était comme de regarder dans un ravin. Plus la terreur augmentait, plus le désir de la chute grandissait à l'intérieur de moi. Je me retrouvais par terre avec lui, sur moi. Il ne m'avait pas déshabillé, ni ne s'était déshabillé. Je le sentais à l'intérieur de moi. Il ne faisait pas mal. Il bougeait. Doucement. Quand il sortit, rien qu'à la façon dont il laissa aller la tête sur mon épaule, je compris qu'il devait avoir joui. Mais il ne disait rien, et je brûlais tout entière, sans qu'aucun frisson vînt me calmer. Excuse-moi, petite, de cette précipitation. Ça fait si longtemps que je te voulais, et toi, tu ne sais vraiment rien faire. Tout doucement, avec le temps, je vais t'apprendre à prendre ton plaisir, toi aussi. Vos mères ne vous apprennent rien. Et c'est à l'homme, après. Et il m'a pris. Tous les matins, juste après l'aube, d'abord à comprendre le cheval, et puis là, chez lui, dans cette petite pièce nue et embaumant le tabac. C'est comme avec le cheval. Tu dois serrer tes cuisses autour de moi et tu dois bouger avec moi. C'est comme faire le cheval et le cavalier. Laisse-toi aller, ma fille. Ne te pétrifie pas comme ça, comme si je voulais te tuer. Maintenant, tu connais l'animal et je veux te donner du plaisir comme tu m'en donnes à moi. Tu vois, ma fille, l'amour n'est pas comme le disent tant d'hommes qui n'en sont pas et aussi des femmes qui ne sont pas des femmes, qui se précipitent d'un côté à l'autre sans presque rien sentir. Avec l'amour, quand tu le trouves, à moi, ça m'est arrivé une seule fois, avec une femme, une vraie, que j'ai eue pendant des années. Et puis je l'ai perdue. Mais ce n'est pas ça que je voulais te dire. La vérité, c'est que quand tu trouves la femme ou l'homme qu'il te faut, alors il faut absolument arriver à s'entendre. Le corps est un instrument délicat, plus qu'une guitare. Et plus tu l'étudies, et plus tu l'accordes à l'autre, plus le son devient parfait et fort le plaisir. Mais il faut que tu t'aides et que tu m'aides. Il ne faut pas que tu aies honte. Voilà. Je vais lentement. Là. Bien lentement. Et toi, suis-moi. Et quand tu sens augmenter la chaleur, il faut que tu me le dises. Que je t'attende et qu'on se pâme ensemble. Pourquoi ne veux-tu pas me le dire? Hé, pitchounette, quand tu sens la chaleur grandir, si tu ne veux pas me le dire avec la voix, fais-moi un signe, serre-moi avec tes bras, mords-moi l'oreille, comme tu veux. Tu es toute chaude et tremblante. Je sais bien que tu n'éprouves qu'un léger plaisir. Voilà. Comme ça. Tranquille. Bien tranquille. N'aie pas honte. Et comment pouvais-je le savoir s'il ne me le disait pas? Tout doucement, j'appris à le suivre, dans cette eau profonde, pleine de frissons. Et la première fois que je jouis vraiment, ce fut un plaisir tellement fort que je crus rester foudroyée. Pris dans les tourments de la Deuxième Guerre mondiale, Carmine et Modesta se sont éloignés l'un de l'autre. Mais il était dit que ces deux êtres d'exception devaient un jour se retrouver. Et c'est ainsi qu'une dernière rencontre s'organise entre eux. Le temps a passé, Modesta est devenue une femme dans toute sa puissance et Carmine un homme vieillissant. Je t'ai reconnu, Carmine. Que fais-tu par ici? Cela fait 3 nuits que je rôde par ici. Et pourquoi? Pour te voir. Et tu ne pouvais pas frapper à la porte? Carmine ne frappe pas aux portes. Il attend un signe du destin. Et pourquoi voulais-tu me voir? Je suis condamné, ma fille. Là, à la poitrine. angine. Et dans le temps qu'ils m'ont donné, 3 à 4 mois, la fantaisie m'est venue de te revoir. Si toutefois tu me reconnais... Je te reconnais, Carmine. Mais je t'ai tué à l'intérieur de moi. Je le sais. Et c'est aussi pour ça que je suis là. Ma mort t'appartient. J'ai dû te faire du tort et m'en faire autrefois, mais rien ne finit. Et Carmine a tenu à toi. Et maintenant que je t'ai vu et que je t'ai parlé, je retourne chez moi. Satisfait parce que ta voix m'a répondu avec douceur. Adieu, Padroncina. Et que Dieu te bénisse. Allez, Orlando, vieux. C'est l'heure de partir. La lune était tombée derrière la montagne et je voyais à grand-peine la blancheur des boucles et le large dos qui s'éloignait vers l'ombre gigantesque du cheval. Il faisait sombre, mais l'aube guettait déjà quelque part entre les taches basses des dunes parce qu'un froid glacé me fit brusquement claquer des dents et trembler. De mon passé, ses épaules puissantes et ce pas lent revenaient démesurément agrandis. Condamné, avait-il dit ? Pas un signe de cette condamnation, ni dans le sourire calme sous la lune, ni dans le pas sûr qui déjà déployait entre nous une distance impossible à combler. Reviens sur tes pas, Carmine. Je veux te voir. Lentement, l'ombre revint vers moi. Je suis là. Regarde-moi. Il fait sombre. Mais je te vois. Tu as peur que tu trembles ainsi ? J'ai froid, Carmine. C'est le froid de l'aube, ma fille. Rentre chez toi. La maison est loin. Comme tu me l'as dit une fois, descendre est facile, mais remonter... Tu t'en souviens. Je me souviens de tout. Tu m'as débusqué dans les champs comme un lièvre. Mais c'est que tu courais comme un lièvre. Ramène-moi à la maison sur Orlando comme cette fois-là. À vos ordres, Padroncina. Je le vis sous le porche éclairé par la grande lampe en forme de lune. Une lune pâle, toujours allumée, du crépuscule à l'aube. Te voici chez toi. Je te laisse. Non, cette lumière n'était pas suffisante. Et moi, je voulais voir. Épier. Et que veux-tu voir, ma fille ? Ce n'est pas bien que tu reçoives un homme à 7 heures de la nuit. Je suis la maîtresse ici. Entre. Vu que tu m'as fait entrer, est-ce que je peux fumer un peu ? Bien sûr que tu peux. La princesse ne le permettait pas, elle disait qu'ensuite tout sentait mauvais. Mais moi j'aime l'odeur du tabac. Tandis qu'il sortait le sachet et remplissait sa pipe, je le regardais. Pas un signe de cette condamnation. Je cherchais en vain dans ses traits, dans les rides de sa peau. Pas une tache. Pas une ride plus profonde ou un tremblement de main. Cet homme de fer occupé à tasser le tabac avec le pouce comme si le temps était resté le même temps, lent et rythmé, que celui où il n'avait pas encore pris rendez-vous avec la mort, était là, devant moi, comme hier. Et comme hier, le fixé me communiquait un sentiment de protection et de crainte. Il ne parlerait plus, ni ne lèverait le regard sur moi, jusqu'à ce qu'une petite braise apparaisse entre ses longs doigts appliqués. Une chose à la fois, ma fille. En courant comme ça, à droite et à gauche, on perd la saveur de la vie. Une bonne tasse de café, le tabac, ta salive. Je veux la goûter doucement, ta bouche. Doucement. Aurait-il menti ? Non. Carmine était un homme d'honneur. Il fallait que je m'approche, que je le regarde de près. Mais des nuages de fumée cachaient son visage. Au moins le toucher, ce visage. Tu me veux, ma fille, que tu me touches comme ça, comme si tu ne me voyais pas? Tu me veux encore? Jamais je ne l'aurais espéré. Moi, je te désire tant, mais je ne veux pas aller contre ton intention. Cloué par la surprise, comment pouvais-je le savoir s'il ne me le disait pas? Je ne puis ni bouger, ni parler. Je l'ai tué et je veux son corps chaud pesant sur le mien. Il faut que je le chasse, que je frappe de mes poings levés sur ce visage que j'avais effacé et qui revient devant moi souriant. Mais j'ai laissé passer l'instant. Et déjà, ses bras me soulèvent. Légère. La haine s'éloigne, ne laissant qu'une douce fatigue dans mes bras et dans mon esprit. Et que fais-tu, ma fille? Tu pleures? Autrefois, tu te mettais en colère contre moi et tu me griffais. Tu as souffert à ce point? Je n'ai pas souffert et je te déteste. Et c'est justice, mais n'aie pas honte. Il n'y a pas de honte à souffrir quand le destin nous contrarie. Si tu pouvais, tu m'emmènerais avec toi dans la tombe, pas vrai? Ça, non. Je t'aime vivante. Un corps sans vie est répugnant, même pour les morts. Et vu que c'est une nuit de parole et pas d'étreinte, il faut que tu me promettes une chose. Si demain ou après-demain, tu ne me vois pas arriver à... Tu as dit que tu reviendrais toujours, ne mens pas. D'accord. Si dans mille et mille nuits, tu ne me vois pas, promets-moi de ne pas venir me chercher. Si je m'en sors, je viendrai te retrouver pour 100 ans, mais si tu ne me vois pas, ça veut dire que, comme ils ont dit, mon cœur s'est arrêté. Je ne veux pas que tu me vois mort. Pourquoi? Je veux rester vivant à tes yeux. Tu ne réponds pas. Carmine ne t'a jamais rien demandé, tu pourrais au moins lui accorder cela. Réponds, Modeste. Ton silence m'entre comme une épine dans le cœur et avec cette épine, je ne peux pas t'embrasser. Promets à Carmine. Une promesse est une promesse, Carmine. Et on tâche à mort qui ne la tient pas. Promets, Modeste. Si tu m'aimes un peu. Je promets, Carmine. Et j'espère rester sans tâche. C'était Page arrachée à Goliarda Sapienza. Texte choisi et présenté par Frédéric Martin. Traduit de l'italien par Nathalie Castagnier. Avec Nora Krief, Modeste. Eric Genovese, Carmine. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Emmanuelle Arming. Claude Nior. Bruitage, Bertrand Amiel. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Laurence Courtois. L'art de la joie de Goliarda Sapienza est paru aux éditions Le Tripode.